إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et rappelez-vous du jour où vous reviendrez devant Allah. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la meilleure des guidées est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de se rapprocher d'Allah par ces choses inventées. Et toutes ces nouvelles choses inventées sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أخرجه الشيخين في صحيحيهما. Selon Abdallah ibn Jurayr radiallahu anhu, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim dans leur sahih, il dit: nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune une nuit de pleine lune et dit: vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Vous ne douterez pas de sa vision. Ce ne sera pas compliqué de le voir. Alors, si vous pouvez ne pas manquer la prière avant le lever du soleil et celle avant son coucher, faites-le. Innakum ayyuhal mu'minun satarawna rabbakum ay bi absarikum yawm al-qiyamah رؤية حقيقية إنعاما منه سبحانه وتعالى وإكراما كما ترون هذا القمر وكانت هذه الإشارة ليلة البدر عندما يكون القمر في تمامه فيراها الجميع ويشاهدها الجميع بالأبصار كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته يعني ما يحتاج أن تتزاحموا بل هو واضح وبين ترونها الجميع والتشبيه هنا في قوله كما ترون هذا القمر كما قال العلماء تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء ليس التشبيه هنا لله سبحانه وتعالى بالقمر وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية أي كما أنكم ترون القمر ليلة البدر بأبصاركم حقيقة فإنكم كذلك سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم حقيقة هذا معنى قوله كما ترون هذا القمر فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Certes, vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse dans ce hadith authentique, et il dit certes, vous, il s'adresse aux croyants, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux croyants, car seuls les croyants peuvent voir Allah le jour de la résurrection. Certes, vous, c'est-à-dire les croyants, vous verrez votre Seigneur, c'est-à-dire avec votre regard, le jour de la résurrection, une vue en toute réalité, comme un bienfait pour vous de sa part, et un honneur qu'il vous donne. Comme vous voyez cette lune, cela fait référence à la nuit où la lune est pleine. La nuit, où la, c'est ce qu'on appelle Ayyam al-Bid, les jours blancs, du 13e, 14e et 15e jour de chaque mois du calendrier lunaire. Donc, la lune est pleine, et c'est ce qui indique également la moitié du mois. Lorsque vous voyez une pleine lune, vous savez que vous en êtes arrivé à la moitié du mois du calendrier lunaire. Donc, comme vous voyez cette lune au sein d'un ciel dégagé, où tout le monde peut la voir avec leur regard sans aucune difficulté, sans avoir le besoin de se regrouper ou de se serrer pour essayer de la voir, mais elle est claire et facilement visible par tous, eh bien, comme vous pouvez la voir, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala, vous les croyants, le jour de la résurrection, avec cette facilité. Et la comparaison ici, comme vous voyez cette lune, comme l'ont mentionné les savants, c'est une comparaison concernant la façon de voir, et non pas une comparaison d'Allah à la lune. C'est tout comme vous n'avez aucune difficulté à voir la pleine lune dans un ciel dégagé avec vos yeux, vous n'aurez aucune difficulté à voir Allah le jour de la résurrection avec vos yeux. Donc c'est une comparaison de la vue à la vue et non pas de la lune à Allah. Certes, vous verrez votre Seigneur dans l'au-delà de vos propres yeux, comme vous voyez à présent cette lune, sans en éprouver une quelconque difficulté, puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, est distinct de ses créatures, et rien ne lui ressemble, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, a dit dans la traduction du sens du verset, « Rien ne lui ressemble, et il est l'audient, l'omniscient. » ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الرؤيا وأن سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين يوم القيامة بها وتكون بذلك القلوب قد اشتاقت والنفوس تحركت فيها الطمع للفوز بهذا الأمر العظيم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فإذا طمع قلبك في الرؤيا وأردت أن تكون من أهلها فعليك ببذل الأسباب التي تنال بها هذا النعيم العظيم. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, c'est ce que signifie sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans ce hadith la vision d'Allah, que Allah, exalté soit-il, honorera les croyants par celle-ci au jour de la résurrection. Alors, les cœurs en deviennent pleins de désirs et les âmes sont animées d'un espoir ardent de remporter cette faveur immense. Il a dit que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui à la fin du hadith. Si donc, vous pouvez ne pas manquer la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Ainsi, si ton cœur aspire à la vision d'Allah et que tu veux être parmi ceux qui en bénéficieront, tu dois fournir les efforts nécessaires et adopter les causes par lesquelles tu atteindras ce bienfait immense. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين وهي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a mentionné sur la prière qui est le pilier de la religion et le plus grand de ses fondements après les deux attestations de foi. ومن ضيع الصلاة وغلب عليها حكم على نفسه بالحرمان من الخير. Et celui qui néglige la prière et s'en laisse priver a annoncé sur lui-même son exclusion du bien. وقد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وأبي بن خلف هذا عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم من ألد أعدائه. Et un jour, le sujet de la prière avait été évoqué, avait été mentionné devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit alors, celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut le jour de la résurrection, et il sera ressuscité auprès de Qaroun, Pharaon, Haman, Haman et Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, c'était un commerçant au niveau de la Mecque. Et c'était l'un des pires ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومن الذي يرضى لنفسه ان يكون يوم القيامه جنب الى جنب مع سناديد الكفر. Et qui donc accepterait pour lui-même d'être le jour de la résurrection aux côtés des chefs les plus endurcis de la mécréance. ومن لا يصلي حكم على نفسه بذلك رضي لها بذلك شامبا. Et celui qui ne prie pas a prononcé sur lui-même ce jugement et l'a accepté pour son âme qu'il le veuille ou non. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كما جاء في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالذي لا يصلي أبى على نفسه أن يدخل الجنة وأبى أن يفوز بهذا النعيم ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est également dans Sahih al-Bukhari, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Ils dirent, et qui refuse donc, ô messager d'Allah, yani qui va refuser d'entrer au paradis, subhanallah. Il répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé. Ainsi, celui qui ne prie pas a en réalité refusé lui-même d'entrer au paradis. Et il a refusé lui-même de gagner cette immense félicité, cet immense bonheur. La vision d'Allah سبحانه وتعالى ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يغلب الإنسان على صلاته فيحرم من الخير قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا. C'est pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre le fait que l'homme se laisse dominer au point de négliger sa prière, hein? Car il serait ainsi privé du bien. Il a dit, si donc vous pouvez ne pas être dominé au point de manquer la prière, alors faites-le. وقوله تغلبوا هذه الكلمة لها بعدها في الدلالة وينبغي أن ننتبه لها وعلى الطريقة الآن المعروفة في التعلم تضع تحتها خطوط حتى تكون هذه الكلمة لها واقع في نفسك. وحتى تدرك بعد هذه الكلمة وحتى يبقى لها الآثار في نفسك. Et son emploi du mot, et son emploi du mot que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, al-tourlabou, en arabe tourlabou, c'est-à-dire que vous soyez dominé. Là, on est dans un combat là, contre le nefs, contre le diable, contre le shaitan. Est-ce qu'il va vous vaincre? Et son emploi du mot là, cette kalima là, tourlabou, a une portée profonde dans sa signification. Et il convient d'y prêter attention. Comme on fait dans les méthodes d'apprentissage actuelles, lorsque on tombe sur un mot qui est important, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le surligne, ou soit on souligne ce mot-là avec plusieurs traits. Car ça a son importance, afin que ce mot ait un impact sur toi, que tu en comprennes toute la portée, et qu'il laisse une empreinte durable dans ton cœur. قال ألا تغلبوا هذا فيه إشارة ودلالة أن ثم غوالب كثيرة تغلب الناس على هذه الصلاة. Il a dit que vous ne soyez pas dominé. ألا تغلبوا. Et cela contient une indication et une signification claire qu'il existe en effet de nombreux éléments qui dominent les gens et les empêchent d'accomplir cette prière. إذن هذا ميدان مصارعة ميدان مجاهدة حتى يفوز الإنسان ويخرج من هذه الدنيا فائزا لا أن يخرج من هذه الدنيا مهزوما مغلوبا. C'est donc un champ de lutte, un domaine d'effort et de compétition, afin que l'homme puisse réussir et quitter ce monde en vainqueur et non pas en vaincu, en perdant, en étant dominé. وإذا تحدث الآن على الفوز والهزيمة لا تنصرف أذهان كثير من الناس إلا في اللعب بينما الفوز المبين والفوز العظيم هو مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وأصبح من الناس الآن من أجل اللعب يتركون الصلاة وهذه غليبة هذا مغلوب وربما يخرج ويظن أنه قد فاز وأن من ينتصر له من اللاعبين أنهم قد فازوا والكل خاسر لأنهم تركوا الصلاة وغلبوا من هذه غليبة أعظم غليبة في الدنيا ترك الصلاة وأعظم هزيمة في الدنيا ترك الصلاة تارك الصلاة مهزوم وتارك الصلاة مغلوب وإن كان الشيطان يلعب عليه ويهمه أنه قد فاز وفي الحقيقة مغلوب مهزوم. Lorsque l'on parle de victoire et de défaite, la plupart des esprits, des gens s'imaginent un match lors d'un jeu et que ceux qui ont gagné sont victorieux alors que tous sont perdants. Pourquoi? Car ils ont délaissé la prière. La plus grande des défaites dans ce bas monde, c'est le délaissement de la prière. Celui qui délaisse la prière est un perdant. Celui qui délaisse la prière est un vaincu. Et ce même si le diable lui embellit ses actions en lui donnant de faux espoirs, lui faisant croire qu'il est victorieux, alors qu'en réalité, c'est un perdant. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن استطعتم ألا تغلبوا إذن فيها غليبة وفوز فالذي يصلي فائز والذي لم يصلي مغلوب أي مهزوم وخسر خسرانا عظيما لأن غلب على الصلاة قال إن استطعتم ألا تغلبوا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: et si vous pouvez ne pas être dominé, ne pas être vaincu, cela implique donc qu'il y a un combat entre être vaincu ou triompher. Celui qui accomplit la prière est victorieux, et celui qui ne prie pas est dominé, c'est-à-dire vaincu. Et il aura subi une perte immense, car il a été dominé au sujet de la prière. Il a bien dit, si vous pouvez ne pas être dominé. ثم أيضا تسأل تساؤلا ينفعك وتحتاط أيضا لنفسك بموجبه. وهذا نافع في التفقه في هذه الكلمة لا تغلبوا من الذي يغلب الناس عن الصلاة وخذ مثالا صلاة الفجر وما أكثر ما يغلب الناس على هذه الصلاة، وما أكثر ما يصبح كثير من الناس ولم يصلي الفجر أو يصليها وقد خرج وقتها. وانظر فيما غلب الناس على هذه الصلاة، وإياك ثم إياك أن تغلب عليها. Ensuite, pose-toi une question utile, une question qui te sera bénéfique et qui t'aidera à te prémunir. Qu'est-ce qui empêche les gens d'accomplir la prière? Prends comme exemple la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Combien nombreux sont ceux qui sont dominés à ce sujet? Combien sont ceux qui se réveillent sans avoir prié le Fajr? Ou l'a pris alors que son temps est déjà écoulé? Observe donc ce qui les a empêchés d'accomplir la prière. Et fais bien attention, surtout à ne pas te laisser dominer à ton tour. Tu viens pour dormir, tu règles ton réveil et tu te dis « Je veux être victorieux contre le shaitan, contre mon nefs, contre mon envie de dormir qui ne me servira à rien dans ma tombe et le jour de la résurrection. » أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est important de dire que les éloges d'Allah et son salut, c'est ça que ça veut dire. Parce que les gens, lorsqu'ils ne comprennent pas, ils lisent des traductions, ils lisent que les prières d'Allah. C'est pas correct de dire. C'est que les éloges d'Allah. Parce qu'Allah fait l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux anges. ويجب أن تعلم أن ثم ارتباط بين الصلاة والرؤية فأهل الصلاة أهل الرؤية وتارك الصلاة أهل الحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى لأن تارك الصلاة كافر وقال سبحانه وتعالى عن كفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Et tu dois savoir qu'il existe un lien entre la prière et la vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Les gens de la prière sont les gens de la vision d'Allah, qui vont voir Allah. Tandis que ceux qui délaissent leur prière, qui abandonnent leur prière, sont ceux qui seront voilés, privés de la vision d'Allah. Car celui qui délaisse la prière est un mécréant, devient mécréant en la délaissant. Et Allah, exalté soit-il, a dit au sujet des mécréants, pas du tout, dans la traduction du sens du verset 15 de Sourate Al-Mutaffifin, pas du tout, en vérité, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْإِرْتِبَاطِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرُّؤْيَةِ دَلَّ كَثِيرًا منها هذا الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر الفريضة المكتوبة فافعلوا ومن ضيع هاتين الصلاتين العظيمتين فهو لما سواهما أضيع ومن ضيع الصلوات المكتوبة فهو لما سوى من دين الله أضيع ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن لا يصلي لا دين له كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. Et celui qui néglige ces deux grandes prières, la prière de l'aube du Fajr et celle avant du coucher du soleil, c'est-à-dire le Asr, est encore plus négligent envers le reste. Et celui qui abandonne les prières obligatoires est encore plus négligent envers les autres aspects de la religion. Il n'a aucune part en l'islam, celui qui délaisse la prière, comme l'a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et celui qui ne prie pas n'a pas de religion, comme l'a dit Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Et le pacte qui est entre nous et les mécréants, c'est la prière. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque la délaisse est devenu un mécréant. ومن الدلائل عن ارتباط بين الصلاة وبين الرؤيا قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة هؤلاء أهل الصلاة قال ووجوه يومئذ باسرة هؤلاء أهل الحشر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لماذا هذه العقوبات ولماذا هذا الحجب ولماذا هذا الحرمان ولماذا هذه العقوبة الجواب فلا صدق ولا صلى هذا هو الجواب فلا صدق ولا صلى بينما الأول الذي أكرمه الله بالرؤية والنظر هؤلاء هم أهل الإيمان وأهل الصلاة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة. Et parmi les preuves du lien entre la prière et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, il y a la parole d'Allah, exalté soit-il, dans la traduction du sens des versets que je vais vous réciter à la fin de sourate Al-Qiyam, à partir du verset 21. Ce jour-là, des visages seront rayonnants. Donc c'est la traduction du sens. Hein. Le Coran n'est qu'en arabe. Ce que vous trouvez en français, c'est une traduction du sens. D'accord ? Ce jour-là, des visages seront rayonnants, regardant leur Seigneur. Ces gens, ce sont les gens de la prière. Puis il dit, lorsqu'on continue les versets dans Sourate Al-Qiyam, hein, dans la traduction du sens, « Et ce jour-là, des visages seront assombris. Ce sont ceux qui sont voilés, privés de la vision. Et ce jour-là, des visages seront assombris, craignant qu'un malheur terrible ne s'abatte sur eux. Mais non, quand l'âme atteint les clavicules et qu'on dit qui pourra sauver et qu'il est convaincu que c'est la séparation et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que sera la marche finale. Pourquoi ces châtiments? Pourquoi ce voile? Pourquoi cette privation? Pourquoi cette sanction? La réponse, lorsqu'on continue dans les versets, il n'a ni cru ni prié. Voilà la réponse. Il n'a ni cru ni accompli la prière. Tandis que le premier à qui Allah a accordé l'honneur de le voir et de le contempler ce jour, ce sont ceux-là, les gens de la foi et de la prière. Ce jour-là, des visages seront rayonnants, regardant leur Seigneur. Car l'Iman, la foi, qawlun bil lisan, c'est une parole avec la langue. Wa'atiqadun fil qalb, et c'est une croyance dans le cœur, conviction de croyance dans le cœur. وَالْأَعْمَلْ بِالْجَوَارِحِ et les actions avec les membres. C'est ça la définition. أَمَّا يَبْقَى الْإِنسَانَ عَاتِلًا مُضَيِّعًا دِينَهِ وَمَعَ تَضِيعِ لِدِينِهِ يَقُولَ تَمَنَّى أَنَ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الرُّؤْيَا فالله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ليس الأمر بمجرد الأماني وإلا لو كان الأمر بمجرد الأماني فاليهود يقولون بملء أفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. Quant au fait que l'homme reste oisif, paresseux, négligeant sa religion, et qu'en dépit de cette négligence, ils disent « J'aimerais être parmi ceux qui verront leur Seigneur ». Alors Allah, exalté soit-il, a dit dans la traduction du sens, cela ne dépend ni de vos souhaits, ni de ceux des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué en conséquence. L'affaire ne se règle pas par de simples vœux. Sinon, cela ne dépendrait que des souhaits. Les Juifs disent haut et fort, font partie des gens du livre, n'entrera au paradis que celui qui est juif. Ça c'est sûr, c'est leur souhait à eux. Hein? Mais Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens, cela ne dépend ni de vos souhaits, ni de ceux des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué en conséquence. الذي يضيع دينه ضيع الخير ولهذا نبه وبين ونصح عليه الصلاة والسلام وأكد على المحافظة على هذه الفريضة العظيمة وألا يغلب عليها الإنسان. Celui qui néglige sa religion perd tout bien. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti, expliqué, conseillé, insisté sur l'importance de préserver cette grande obligation, la prière, et de ne pas se laisser dominer au point de l'abandonner. On va terminer avec ce point-là, Inch'Allah. ومن ارتباط بالرؤيا والصلاة جاء الدعاء جاء في الدعاء الذي رواه عمار بن ابن ياسر والذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يقول في صلاته قبل أن يسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وفي تمامه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة ولا فتنة مدلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين يقول هذا صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل أن يسلم. Et parmi les liens entre la prière et la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, il y a l'invocation rapportée par Ammar bin Yasir radiallahu anhu, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur pendant sa prière lorsqu'il terminait le tashahhud, et avant, juste avant de faire les salutations finales, il disait « Oh Allah, par ta science de l'invisible et par ton pouvoir sur la création, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi. » Et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. Et vers la fin de cette invocation, il disait, et je te demande la douceur de contempler ton visage, et le désir ardent de te rencontrer, sans épreuve nuisible ni tentation égarante. Oh Allah, embellis-nous de la parure de la foi, et fais de nous des guides bien guidés. C'est ce que disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière avant de prononcer le salut final. Fabayna salat wa ru'ya irtibat. ومن ترك الصلاة كفر وكان من أهل الحجب والحرمان ومن حافظ على هذه الصلاة كان طمارة على الإيمان وبرهانا عليه ونجاة للإنسان يوم القيامة وسببا للفوز بهذا النعيم العظيم. Il existe donc un lien entre la prière et la vision du visage d'Allah. Celui qui abandonne la prière tombe dans la mécréance et fait partie des gens voilés, privé de cette vision et privé du bonheur éternel, tandis que celui qui préserve la prière, cela constitue un signe de foi, une preuve de celle-ci, un salut pour lui le jour du jugement et une cause pour obtenir ce bonheur immense. Nous demandons à Allah, le généreux, Seigneur du trône immense, de nous accorder à tous la douceur de contempler son visage et le désir ardent de le rencontrer sans épreuve nuisible ni tentation égarante. Et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères et sœurs en Palestine, de leur donner la victoire et d'éliminer leurs ennemis et son ennemi. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمنا جميعا باللذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مذرة ولا فتنة مدلة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخوانا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اشف جرحاهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشفاهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفاهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم دمر السهاينة اللهم دمرهم تدميرا وأرنا فيهم آيات قدرتك ودمر كل من سكت عليهم وشجعهم ووافقهم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.